Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les Électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les Électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des Électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger. Avec Michel Thibault et Dominique Bolduc. Il est 16h47, ça fait deux semaines qu'on parle, quasiment trois semaines qu'on parle du tournoi des cœurs qui a eu lieu en Colombie-Britannique parce qu'on avait des quatre jeunes filles du club de Riverbend. Oui. Il y en avait trois d'Alma puis une de Delbeau qui ont participé à ce tournoi des cœurs-là. Puis les filles ont drôlement bien performé, mais on n'a pas fini d'en parler de ce tournoi des cœurs-là. Absolument. Parce que à Alma, on voudrait peut-être le demander, ce championnat-là. On va en parler avec la présidente du club de curling de Riverbend, Mme Sylvie Robitaille. Bonjour, Mme Robitaille. Bonjour, M. Tufaux, ça va bien? Oui, avant de parler de ses rêves, de ses folies, c'est un peu des folies, demander des tournois comme ça. J'aimerais que vous nous parliez de vos quatre jeunes filles juniors qui ont représenté le Québec, qui ont bien performé et qui ont donné une belle visibilité au club de curling de Riverbend. Ah, c'est sûr qu'on est fiers d'eux autres. Hein? C'est vraiment là, pour le club, vraiment une fierté. Puis c'est des jeunes qu'on a vus évoluer parce que, comme la skip Emilia Gagné a commencé à 29 ans, elle venait voir son frère, son grand frère jouer, puis elle en mangeait du curling, puis elle avait hâte d'avoir 9 ans parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui étais responsable des juniors. Puis j'avais dit, 89 ans, tu viendras, puis tu vas pouvoir commencer. Elle en mangeait. Puis depuis qu'elle a 9 ans, qu'elle fait du curling, puis gars, on est bien contents de voir ces quatre jeunes-là, là, qui ont très bien représenté la région. Bon, on parlait un petit peu de curling. Si vous l'avez coaché, quelle était la grande qualité de... C'est Emilia Gagné, hein, c'est ça? Oui, la skip, c'est Emilia. La skip, oui. Quelle était sa... Vous l'avez coaché, sa grande qualité sur les glaces, là? Ben, j'hésite à coacher les trois, hein, fait que... Mais c'est des filles qui lâchent pas. Emilia, elle a du cœur, puis elle a de la persévérance, puis mais elle a pas de défi parce qu'elle va le relever, le défi. Ah, ouais? Ouais, c'est vraiment, elle a un caractère, un très bon caractère. Les quatre filles, d'ailleurs, sur les glaces ont un très, très bon caractère. Ils ont une belle attitude sur les glaces. C'est vraiment plaisant de les voir jouer. C'est vraiment plaisant que ce soit eux qui représentent le club parce que c'est vraiment, là, vraiment des perles. Là. Franchement, là, c'est des filles qui étaient vraiment plaisant de les entraîner parce que c'était pas gênant de sortir avec elles. Là. Est-ce que le club de curling de Riverbend les a aidés financièrement ou de d'autres façons à un autre niveau? On les a aidés financièrement un petit peu parce qu'on peut pas non plus juste donner à cette équipe parce qu'on a quand même d'autres équipes qui font d'autres tournois. Oui, on a essayé la semaine passée faire tous les soirs, on télévisait les matchs, on les enregistrait, on les repassait en soirée pour les gens qui viennent voir les filles performer, voir les games de curling. On avait l'équipe avait installé une belle grosse cruche que les gens pouvaient déposer des sous dedans. Fait que je pense qu'ils ont ramassé un petit peu de sous avec ça. Fait qu'on essaye un petit peu là, de les aider de cette façon-là. À part les joueuses là-bas à Colombie-Britannique, est-ce qu'il y avait des représentants? Parce que si le goût vous est venu de présenter le tournoi chez vous, est-ce qu'il y avait des représentants du club de curling de Riverbend là-bas? Non, il y avait l'entraîneur, c'est sûr, M. Gagné qui était là, qui fait partie du club de curling Riverbend. Il y avait les parents aussi des joueuses qui étaient là. Il y avait certains parents qui étaient là. Fait que c'est sûr que le goût de faire ça, c'est pas vraiment un goût. C'est juste que c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir organiser un tournoi de cette envergure-là. Parce que Dominique me disait tantôt, Mme Robitaille, l'endroit où on a présenté le tournoi en Colombie-Britannique, c'est une ville à peu près... Penticton. Penticton, c'est une ville à peu près de la même grosseur qu'Alma. Oui, oui. Ah oui, c'est. Je pense qu'on serait capable. Du côté... pour le coucher, je pense qu'on a, on a ce qu'il faut pour les nourrir aussi. Point de vue de l'aréna, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de s'organiser avec le centre Mario Tremblay, avec la grande patinoire, la petite patinoire. Puis ça, je suis sûr que... Mais là, gars, on parle pour parler. Oui, on fait juste jaser. Là, on est dans le vestiaire. Mais ça prend combien de glace pour présenter un championnat canadien? Parce qu'on l'avait fait au centre Georges Vézina avec le Breyer à l'époque. Oui, oui, c'est vrai. Ça s'est déjà fait, ça. Au centre Georges Vézina, en 88? Oui. Du 8 au mois de mars, là, 88. Je me rappelle très bien, je faisais des reportages. L'année de la Coupe Memorial. L'année de la Coupe Memorial, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu vois, moi, je commençais à peine dans le curling à ce moment-là. Fait que tu vois, là, ça, c'est... Mais c'est sûrement que ça prend au moins un Saint-Glace. Un Saint-Glace? Ouais, avez-vous une idée, Mme Robitaille, de ce que Curling Canada peut vous demander comme exigeant? Vous allez avoir à remplir un cahier de charges, là, mais avez-vous vérifié sur Internet ou je sais pas quoi, quelles sont leurs premières exigences? Monsieur Tifo, je sais pas comment vous avez eu l'information, parce que moi, j'ai dit ça en fin de semaine, on était entre amis, j'ai juste dit, moi, j'aimerais ça organiser ça, moi. Un jour, on va peut-être l'organiser. Mais j'ai aucune idée par où commencer. Ben, c'est sûr que Curling Canada ont un cahier de charge, j'imagine. Fait que j'imagine que ça va être par là en premier. Puis ensuite, contacter ma ville aussi, hein. Oui. Les villes d'Alma, normalement, on n'a pas trop de misère avec eux autres. Ben, avez-vous pensé la belle visibilité? Parce que c'est ça que je disais à Dominique ce matin quand j'en ai parlé. J'ai dit, hey, c'est à la télévision nationale. Nationale, là. C'est RDS. Avez-vous pensé la visibilité pour le maire Marc Asselin, pour toute la ville d'Alma, la ville d'hospitalité, puis même le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet, oui, là? Ben oui, parce que veut pas, ça va déborder, là. C'est sûr que ça vient pas juste à Alma, ça va déborder au niveau de la région, là. Absolument. Ça, c'est officiel. Mais comme je te dis, gars, c'est une idée, c'est. Des fois, ça prend du temps avant de faire mettre au monde des projets, hein. Et ce serait pour quel... Ce serait... Que oui, à demain matin, je commence ça. Ça veut pas dire qu'on va l'avoir l'année prochaine. Mais non, c'est ça. Ça peut être juste dans 2-3 ans. C'est quasiment comme les Olympiques, ça, là. Ouais. C'est pas... ça se décide pas du jour au lendemain où est-ce qu'ils font ça, là. On va peut-être commencer par avoir un provincial. OK. On a déjà eu un provincial à Riverbend, les Cœurs Scott. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé qui avaient déjà organisé ça au Club Riverbend. Fait que peut-être qu'on peut peut-être commencer par ça, ou on peut peut-être se servir de cette expérience-là pour pouvoir organiser un national. Je ne sais pas. Regarde, Quand avez-vous l'intention de faire la demande? Ben, en tout cas, c'est sûr et certain, comme je me connais, je vais aller voir c'est quoi ça prend. OK. Je vais m'informer c'est quoi ça prend, puis on verra après ça. Parce que là, je sais que c'est votre tournoi Bonne Entente. Le tournoi Bonne Entente, là, c'est big, Alma. Pas au niveau du calibre, parce que, tu sais, il y a plein de débutants qui jouent, là. Mais quand je dis que c'est big, il y a du monde. Il y a des activités, puis il y a de l'ambiance. Ce soir, c'est l'ouverture officielle? Oui, effectivement. OK. Alors là, ce soir, ça va être de talk of the town. Tout le monde va parler de ça. Tifo à Jonquière, il a parlé d'une possibilité d'un championnat canadien. C'est un beau plan de match pour la présidente. Là, vous allez en avoir des idées et des bénévoles ce soir, là. Mais les idées, c'est pas ça qui manque, puis les bénévoles, c'est pas ça qui nous manque non plus à Alma. On l'a prouvé dans le temps des Jeux du Québec l'hiver passé. On a bien fait les Jeux du Québec, puis le Club de curling Riverbend a fourni beaucoup de bénévoles. Puis je pense que là-dessus, j'aurais pas de misère. Je pense pas, puis au niveau de la ville, je pense pas, parce que avec la ville, j'ai déjà des contacts, j'ai déjà travaillé avec eux autres. Ça fait déjà 11 ans quand même que j'organise un camp de curling l'été. Mais ça fait deux fois qu'on présente les Jeux du Québec à Alma provincial. Fait qu'on doit être très ouvert à des grosses compétitions. Moi, je suis certain que le maire Marc Asselin et les conseillers, conseillères, ils vont être très heureux d'apprendre qu'on est intéressé à présenter un événement. C'est un autre événement majeur, ça, pour la région puis pour Alma, là. Oui. Ah oui, c'est sûr que, tu vois, quand, ben, si je je fais juste une petite parenthèse, là, quand j'ai commencé le camp de curling, les Bleus et Givré l'été, ben, quand je suis allé rencontrer Ville d'Alma, ben, on dit oui, on dit c'est quoi de la, ben, j'ai dit c'est régional, puis j'ai dit on a des gens de la province qui viennent de partout, puis j'ai dit à un moment donné, j'aimerais ça peut-être que réussir à faire les glaces sur au Creps, puis les faire au club de curling pour faire un camp national. Puis tu vois, il y a une année qu'on a eu des gens de l'Ontario qui sont venus faire le camp, puis des gens de la Colombie-Britannique qui sont venus. Puis Ville d'Alma, ils ont dit, hey, oui, Sylvie, ouais, continue, on est derrière toi. Si t'as des demandes, puis ils m'ont aidé, puis on en faisait les glaces de curling en plein été au centre Mario Tremblay. Je pense que Ville d'Alma, c'est sûr, il serait derrière moi si j'arriverais avec le projet de faire le national. Dans l'histoire du tournoi des cœurs, Mme Robitaille, trois fois on a présenté le championnat au Québec. Oui. Et là, Dominique va vous donner les endroits, les villes et les années. Montréal en 67, Montréal en 79, Montréal en 2014. Ben, y a-tu juste Montréal au Québec? On pourrait créer un précédent. Non, on va créer un précédent. Là, il y a tout juste Montréal au Québec. Il y a où ça, le Mont, puis il y a Saguenay-Lac-Saint-Jean. Montréal au Québec, ça, je suis d'accord. Bon. Mais c'est sûr qu'on est en région éloignée. Hein. Est-ce que les... C'est ça. Mais on a un aéroport. Regarde, je pense qu'on... À Alma, on est bien quand même assez bien organisé pour recevoir ce tournoi-là. Mais gars, là, je parle vraiment à travers mon chapeau parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça prend comme carré. Au cahier de charge, qu'est-ce qu'il demande. On est derrière vous autres, Mme Robitaille. On vous souhaite bonne chance. Tenez-nous au courant de vos demandes. Puis un coup que le cahier de charge va être parti, il ne reste qu'à prier. On priera pour vous autres. Mais moi, je prie que le cahier de charge soit en français. Ah oui, il y a des bilingues allemands, là. Mais oui, mais à River Bend, il y a plein de monde qui parle en anglais. C'est sûr. Madame Robitaille, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup.